Here is the dance of varsity drag. You love to do the varsity drag. Better not be late, just be up to date. You will think it's great, the varsity drag. Now, here is the drag. See how it goes. Down on the heel, up on the pole. That's the way to do the varsity drag. You will find that it's hotter than hot. Newer than new. Meaner than mean. Bluer than blue. Get that much of all the wave and a flag. Or Yankee Doodle Doo what? You can pass many a class, whether you're dumb or wise. If you all answer the call when the old professor cries. Everybody down on the heel, up on the toes. Stay out of school, learn how it goes. Everybody do the varsity drag, drag. We've always thought knowledge is not, we should be taught. Two, ten, right here at eight, we're out to date. We see the great, you, ten. Don't think that I brag. I speak of the drag. Why should a sheep learn how to speak Latin and Greek? Bad, leap. Give him a neat motto complete. Say it with heat. Bad, leap. First lesson right now. You love it and how you love it. Here is the drag. See how it goes. Down on the heel. Up on the toes. When you do the varsity drag, then you start in once again. Hotter than hot. Newer than new, meaner than mean, bluer than blue, just the same as waving a flag. Then if you feel like dancing, you can always pass every other class, whether you're dumb or you're wise. If you're lonely, all answer to the call when you're dancing for fast surprise. Everybody down on the heel and up on the pole, stay after school, learn how it goes. When you do the varsity drag, it'll make a dancing fool of you. Here is the drag, see how it goes. Down on the heels, up on the toes. That's the way to do the varsity drag. You will find that it's hotter than hot, newer than new, meaner than mean, bluer than blue. Gets as much applause as waving a flag. Waving the flag, you can pass many a class, whether you're dumb or wise. If you all answer the call when your professor cries, everybody down on the heels, up on the toes, stay at the school, learn how it goes. Everybody do the varsity drag. You'll find that it's hotter than hot drag. Why don't you learn the steps of all drag? Oh, you love to do the varsity drag. Vous écoutez la radio des éditions de l'avenir. Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Hirsing, Kael dans le rôle de Corton Nagez et Christian Martin la narration. Chapitre 2, cinquième partie. Celle dont il s'inquiétait venait d'échapper miraculeusement à une patrouille de deux soldats qu'elle avait repérée une fraction de seconde avant qu'ils ne la découvrent. Recroquevillée parmi les racines aériennes d'une sorte de banyan, elle les avait vus passer à moins de 5 mètres de sa cachette. Sa situation devenait intenable. Non seulement elle risquait à tout moment de se jeter dans les bras de ceux qui la pourchassaient, mais sa blessure à l'épaule, malgré les médicaments qu'elle avait absorbés, lui causait une douleur sourde qui laissait supposer que les dégâts étaient beaucoup plus importants que ce qu'elle avait estimé au début. Malgré son optimisme habituel, elle voyait un avenir bien sombre se profiler devant elle, mais cela n'altérait pas son énergie indomptable et elle comptait bien vendre chèrement sa peau lorsque la partie de cache-cache se terminerait. Soudain, elle ressentit un picotement au niveau de son poignet valide, son minicom. Ce ne pouvait être que Steve qui l'appelait, malgré ses ordres.

On n'a pas le choix. Steve exécuta sa manœuvre au moment même où l'écran défensif du cœur de Fomalo cédait et le petit vaisseau, touché par une ultime salve, trembla de toute sa membrure avant de basculer, désemparé, dans l'entre-espace. Destination, l'inconnu. Vous écoutez la radio des éditions de l'avenir. Les éditions de l'avenir présentent L'affaire Blaireau, pièce audiophonique adaptée du roman d'Alphonse Allais par Christian Martin. Bonjour, Monsieur Fléchard. Mademoiselle Arabella, j'ai le grand honneur de vous saluer. Je vous demande pardon de vous avoir fait revenir, Monsieur Fléchard. Nous avions du monde. Je sais, mademoiselle, mais peu importe. L'essentiel, c'est que je suis revenu. J'ai cru un instant que vous ne prendriez pas votre leçon aujourd'hui, et j'en étais profondément navré. Vous vous navrez pour peu, Monsieur Fléchard. Une leçon perdue n'est pas une grande affaire. Pardon, mademoiselle. Pour moi, C'est une grande affaire. Je ne vois pas en quoi, puisque vous êtes payé au mois. Oh, mademoiselle. Quoi ? Qu'avez-vous ? Il y a, mademoiselle, que vous venez de me faire bien du mal. Moi ? Oui, vous, mademoiselle. Vous venez de me causer un des plus grands chagrins de ma vie. Mais enfin, monsieur Fléchard, expliquez-vous. Ce n'est pas la peine, mademoiselle. Ne parlons plus de cela, s'il vous plaît. Et travaillons. Monsieur Fléchard, vous allez me dire ce que vous avez aujourd'hui. Vous êtes tout drôle. Non, mademoiselle, je ne suis pas drôle. Vous vous trompez et je n'ai rien du tout. D'ailleurs, ai-je le droit d'avoir quelque chose ? Je suis payé au moins. Mon cher monsieur Fléchard, soyez bien certain que je n'ai pas dit cela pour vous offenser. Offenser ? Mais est-ce qu'on peut offenser un homme qui est payé au moins ? J'ai la plus grande estime pour vous et je ne me consolerai pas de vous avoir fait de la peine. Au moins, payé au moins. Mais quel déshonneur, monsieur Fléchard, y a-t-il donc à être payé au mois ? Les ambassadeurs aussi sont payés au mois. Avec cette différence, mademoiselle, qu'ils sont payés beaucoup plus cher. Et qu'importe les appointements ? Toutes les places se valent quand elles sont occupées par des hommes distingués, intelligents, comme vous, monsieur Fléchard. Vous dites cela, mademoiselle, et je vous remercie. N'empêche que vous accepteriez d'un ambassadeur des choses que vous ne supporteriez pas d'un professeur de gymnastique. N'en croyez rien, je ne suis pas une de ces femmes à préjugés. Oh. Je vous l'affirme, monsieur Fléchard. Et peut-être s'en apercevra-t-on bientôt. Tenez, mademoiselle, je vais vous faire une supposition. Une petite supposition de rien du tout, si vous le permettez. Je vous le permets. Supposez qu'un homme dans une position inférieure, car vous avez beau dire, il y a des positions inférieures, supposez que cet homme ose se permettre de lever les yeux sur une femme comme vous, mademoiselle. Eh bien ? Supposons qu'il se permette de l'aimer. C'est alors qu'il y en aura une de différence entre lui et l'ambassadeur. Aucune en ce qui me concerne. Moi d'abord, je n'aimerai jamais qu'un homme romanesque comme moi, capable d'actions héroïques et dangereuses, un homme différent des autres en un mot. Cet homme-là, qu'il soit ambassadeur ou professeur de gymnastique, je serai sa femme. Alors, mademoiselle, vous aimeriez un homme qui aurait risqué la prison pour vous ? Qui aurait risqué le déshonneur ? Tout de suite. Un homme qui, pour vous, aurait failli tuer quelqu'un ? Ah, taisez-vous, monsieur Fléchard. Vous me rappelez ce malheureux qui, pour me voir une seconde à la fenêtre de ma chambre, a presque assommé le garde champêtre et qui gémit dans un cachot jusqu'à demain. Blaireau ? Vous voulez parler de Blaireau ? Sans doute. Et vous supposez que c'est pour vous voir que ce Blaireau se disposait à escalader le mur du parc ? Évidemment. À l'audience, on a dit qu'il venait voler des poules. Mais moi, je sais tout. Et alors ? Alors ? Rien. Je me suis contentée d'adoucir sa captivité en lui envoyant quelques petites douceurs, des confitures. Des confitures ? Du vin. Du vin. Des cigares. Des cigares. Crapule de Blaireau. Et qu'est-ce qu'il disait, Blaireau, en recevant toutes ces denrées ? Il les acceptait ? J'ai tout lieu de le croire. Il mangeait les confitures ? Il buvait le vin ? Il fumait les cigares ? Dame. Et le directeur de la prison tolérait toutes ces bonbances ? Monsieur Bluet est très bon avec ses pensionnaires. Mademoiselle Arabella de Chaville, j'ai quelque chose d'infiniment grave à vous communiquer. Qu'y a-t-il, mon Dieu ? Ce Blaireau, auquel vous semblez prendre un si vif intérêt, ce Blaireau est un imposteur. Que voulez-vous dire ? Ce Blaireau n'avait droit ni à vos confitures, ni à votre vin, ni à vos cigares. Ce Blaireau n'avait droit à aucune gracieuseté de votre part. Je ne comprends pas. Ce Blaireau est une canaille. Il est innocent. Innocent ? Parfaitement. Vous êtes fou, Fléchard. Non, mademoiselle, je ne suis pas fou. L'homme qui vous aime dans l'ombre, ce n'est pas lui. L'homme qui m'aime dans l'ombre ? Comment connaissez-vous les termes de ces lettres brûlantes ? Je les connais, mademoiselle, parce que c'est moi qui les ai écrites. Vous ? Vous souvient-il de la lettre commençant par ces mots « Toi qui es une âme d'élite » et finissant par ceci « L'amour me dévore. » Et cette autre où je vous disais, trois fois par semaine, je souffre un peu moins. Oui, je ne me suis même jamais bien expliqué ce détail. C'était les trois fois par semaine où je vous donnais votre leçon de gymnastique. Mon Dieu, alors mon pauvre Fléchard, c'était donc vous ? C'était moi, mademoiselle. Moi qui n'ai pas hésité une seconde à laisser condamner un innocent à ma place pour ne pas cesser de vous voir, de vous entendre. Et c'est vous qui avez assommé ce pauvre parjus ? Qui aurait pu croire ? Oh, j'ai l'air chétif comme ça, mais je suis nerveux, terriblement nerveux. Ce soir-là, j'aurais tué 10 hommes. Pourquoi ne m'avez-vous plus écrit à partir de ce jour ? Le remords. La peur de vous compromettre, que sais-je. Ainsi donc, le mystérieux inconnu ? C'était moi. Maintenant, mademoiselle, il ne me reste plus qu'à vous demander humblement pardon. Et à m'en aller, sans doute. Restez, Fléchard. Si vous étiez bien gentil, baron, vous ne savez pas ce que vous feriez ? Ma chère enfant, si je ne faisais pas tout pour vous être agréable, je serais un monstre fort hideux. Eh bien, vous devriez nous organiser quelque chose. Vous organiser quelque chose ? C'est un programme bien vague, cela, mademoiselle Lucie. Une fête, une belle fête, comme à Paris. Une fête de charité, par exemple. Oui, c'est cela. Une fête de charité, ici, dans le parc. Excellente idée. Mais au bénéfice de qui ? Nous ne savons pas encore, mais on trouverait facilement. Détrompez-vous, mademoiselle. Il est quelquefois fort malaisé de trouver des victimes. J'entends des victimes pour fêtes de ce genre. Oh, en province, nous ne sommes pas si difficiles qu'à Paris. Mesdemoiselles, je suis heureux de me mettre à votre disposition. Nous allons organiser tout ce qu'il y a de mieux dans ce genre. Une fête qui va révolutionner tout le pays. Révolutionner tout le pays ? Allez-vous là, monsieur le baron. Révolutionner les Montagnards, vous n'y songez pas. Oh, avec une fête de charité ? Avec une fête de charité ou toute autre cérémonie. Il ne faut pas troubler les cités tranquilles. Or, Montagnard est la commune la plus tranquille de France. Et tant que j'aurai l'honneur d'être maire... Oui, nous connaissons le reste. Ce n'est pas de la ville de Montagnard qu'on aurait dû vous nommer maire, monsieur Dubenoît, mais d'un banc de mollusques. J'aimerais mieux cela qu'être à la tête d'une cité de désordre. Et puis votre fête de charité est au bénéfice de qui ? Mais au profit des pauvres du pays ! Il n'y a pas de pauvres dans le pays. Tout le monde jouit d'une modeste aisance. N'avez-vous pas eu, il y a quelque temps, une catastrophe ? Une catastrophe ? Mais il n'y a jamais eu de catastrophe à Montpaillard. Et tant que j'aurai l'honneur d'être le maire... Il n'y aura pas de catastrophe, c'est entendu. Et une épidémie ? Vous n'auriez pas eu une petite épidémie ? Jamais. Diable ! C'est ennuyeux. Et les victimes de l'hiver ? Vous avez bien par-ci par-là quelques victimes de l'hiver ? L'hiver ne fait pas de victimes à Montpaillard, au contraire. Pas de chance. Et si on bâtissait un hospice pour les vieillards ? Nous en avons un qui date de Vauban, et qui est encore tout neuf. Ah, cela est fort regrettable. Cherchons encore. Cherchez, cherchez, vous ne trouverez rien. Il n'y a dans Montpaillard aucune sorte de victime. Alors nous ferons notre fête au profit des victimes étrangères. J'en ai bien organisé, moi qui vous parle, au bénéfice des incendiés du Niagara. Les incendiés ? Les inondés, vous voulez dire ? Non, non, des incendiés. Vous ne vous souvenez pas de cette catastrophe ? Ma foi, non. Non. Elle fit pourtant beaucoup de bruit à l'époque. Mais je n'ai pas de peine à le croire. Voyons, cherchons encore. Ah, voici le signal de la fin de la leçon de gymnastique. Mon cher Fléchard, au revoir. Soyez bien persuadé que je ne vous oublierai pas pendant tout le temps que nous allons être séparés. Séparés ? Hélas, oui. Pendant que vous serez en prison, mon ami. En prison ? Mais quelle que soit la sévérité de vos juges, mon cher ami, le tribunal de mon cœur vous a déjà acquitté. Croyez-vous que ce soit bien utile, mademoiselle, que j'aille me dénoncer ? Il le faut. Quoi de plus beau que d'affronter les tribunaux et la prison pour celle qu'on aime? Oui, en effet. C'est beau. C'est très beau. Mais vous savez bien maintenant que je suis capable de les affronter, n'est-ce pas? C'est l'important. Gardons cela entre nous. Causons-en, si vous voulez, de temps en temps. Pourquoi le crier à tout le monde? Il faut accomplir le sacrifice jusqu'au bout, Fléchard. Et puis, ce pauvre Blaireau est innocent. Rendez-lui son honneur. Oh, l'honneur de Blaireau, vous savez, je lui donnerai quelques pièces de 100 sous à cet homme. Il aimera mieux cela. Pas de faiblesse, Fléchard. Dénoncez-vous avec cet héroïsme qui vous va si bien et qui me plaît si fort en vous. N'aurais-je pas l'air de poser, de vouloir, passez-moi l'expression, épater la galerie? Non, Fléchard. Vous aurez l'air de faire votre devoir et vous sortirez grandi de cette épreuve. Surtout à mes yeux. Mademoiselle Arabella, vous venez de me convaincre. À la bonne heure, Fléchard. Je vais prier ces messieurs de venir et vous leur répéterez ce que vous venez de me dire. Que je vous aime? Non, cela ne les regarde pas, mais que c'est vous le vrai coupable et que Blaireau est innocent. Si on remettait cette petite cérémonie à plus tard... Oh, mon ami! C'est bien, mademoiselle. Veuillez prévenir ces messieurs. Je suis prêt au sacrifice. Bravo, Fléchard. Et prenez une belle attitude. Qu'y a-t-il, Fléchard? Vous nous faites demander? Oui, messieurs. Je vous ai prié de venir au sujet d'une grave communication que j'ai à vous faire. Une grave communication? Une grave communication. D'ailleurs, j'aperçois parmi vous l'honorable président du tribunal, monsieur Le Rochigneux. J'en suis heureux, car sa présence ici va donner plus de poids à ma déclaration. Messieurs, l'affaire Blaireau est sans doute encore présente à vos esprits. Oui, Blaireau, le pire braconnier de tout le pays. Un mauvais gars que M. le Président a condamné avec une indulgence. 3 mois de prison, je vous demande un peu. Lui dire qu'il a fini son temps et qu'on va le remettre en liberté. Mais il va avoir affaire à moi. Eh bien, messieurs, Blaireau n'est pas coupable. Blaireau a été condamné injustement. Qu'est-ce que vous nous chantez là, Fléchard? Je ne chante pas, messieurs, j'avoue. Car dans cette ténébreuse affaire Blaireau, le vrai coupable, je viens d'avoir l'honneur et le plaisir de le déclarer à mademoiselle Arabella de Chaville, c'est votre serviteur. L'affaire Blaireau? Oui, je me rappelle très bien. Un braconnier, n'est-ce pas? Un bonhomme qui protestait de son innocence, qui invoquait un alibi. Mais, ainsi que je lui ai fait fort bien remarquer, les alibis, c'est précisément à cela que nous reconnaissons les vrais coupables. Est-ce que vous avez jamais rencontré un honnête homme se rendant à un alibi ou en revenant? C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, si M. Fléchard peut nous démontrer qu'il est coupable, nous le condamnerons, tout comme nous avons condamné Blaireau, qui n'a pas su nous prouver qu'il était innocent. Vous ne ferez pas cela, monsieur le Rochigneux. Au nom de l'ordre, au nom de la tranquillité de mon paillard, je vous en conjure. Oui, monsieur le maire, il ne s'agit pas de la tranquillité de mon paillard en ce moment, mais de quelque chose de plus haut. Mais fichez-moi la paix. Vous voyez bien que, dans un but que je ne comprends pas, Fléchard se moque de nous. Le garde champêtre a positivement reconnu Blaireau comme son agresseur. Le garde champêtre s'est positivement trompé, voilà tout. Savez-vous ce que je tiens là? Qu'est-ce? Regardez bien, messieurs. Ceci est la plaque du garde champêtre, la plaque que je lui ai arrachée dans le combat. C'est la plaque commémorative de mes remords. Je l'ai toujours sur moi. Drôle d'idée. Voyez, messieurs. J'ai gravé la date dessus. Il n'y a plus de doute, maintenant. Nous nous trouvons en présence d'une erreur judiciaire incontestable, une des plus belles erreurs judiciaires que j'ai jamais rencontrées dans ma carrière d'avocat. Une erreur judiciaire? Jamais de la vie. Et qu'est-ce que c'est donc, s'il vous plaît? Une confusion. Une confusion indigne de fixer notre intérêt plus de 5 minutes. Ah, vraiment? Votre Blaireau n'est qu'un mauvais drôle. En admettant qu'il ne soit pas coupable dans cette affaire-là, il a sur la conscience une foule d'autres méfaits pour lesquels il n'a jamais été condamné. Cela n'est pas une raison. Je vous demande pardon. C'en est une, et une excellente. Blaireau est un braconnier avéré. Vous n'allez pas me dire que le contraire à moi, l'un de ses meilleurs clients, qu'on l'a chassé fermé. Et c'est ce gaillard-là que vous voulez agir en victime d'une erreur judiciaire ? Une victime. Mais la voilà, votre victime. Et vous, monsieur le maire, qui prétendiez qu'il n'y avait pas de victime à Montpaillard ? Vous permettez, baron, permettez ? Victime d'une erreur judiciaire. Ce sera ma première fête de charité au bénéfice d'une victime de ce genre. J'ai eu des victimes de l'incendie, des victimes de l'inondation, des victimes du choléra, mais jamais des victimes de la magistrature. Cela complétera votre collection, mon cher baron. Maintenant, messieurs, je vous quitte. Je vais verser mes aveux dans le sein de monsieur le procureur de la République. Ne ferai pas ça. Fléchard, voyons mon ami. Songez que vous allez mettre mon paillard à feu et à sang. Monsieur Fléchard ne connaît que son devoir d'honnête homme, n'est-ce pas, Fléchard ? Et je le remplirai jusqu'au bout, quoi qu'il puisse en arriver. Voulez-vous de moi pour avocat ? Volontiers. Alors partons, je vous accompagne au parquet. Messieurs, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, ami, et bon courage. Une erreur judiciaire, mon paillard. Eh ben, ça va en faire du joli. Une victime, mesdemoiselles. Une victime. Nous la tenons, notre victime. Contez-nous cela, baron. Imaginez-vous, mesdemoiselles. Croyez-moi, mes amis. Rentrez chez vous. Et ne reparlons plus de cette affaire. Mais pourtant... Ce sera beaucoup plus raisonnable. Le tribunal s'est trompé, dites-vous, en condamnant Blaireau à votre place. C'est bien possible. Mais c'est une affaire entre le nommé Blaireau et vous, monsieur Fléchard. La question est plus haute. Non, mon cher maître, la question n'est pas si haute que vous le dites. Blaireau a fait 3 mois de prison pour le compte de monsieur Fléchard, suite à ce dernier à dédommager Blaireau. À raison de 20 sous par jour... Et c'est bien payé. Cela nous fait une somme de 90 francs. Mettons 100 francs pour faire un compte en rond. Donnez 100 francs à Blaireau et ne parlons plus de cette affaire-là. Nous reviendrons demain matin. Nous verrons si monsieur le procureur tiendra le même raisonnement que vous. Si c'est un autre, il aura tort. Il servira mal les intérêts de la justice. Intérêts... plus considérable et plus auguste que ceux d'un simple citoyen comme vous. Soit dit sans vous fâcher, monsieur Fléchard. Tiens, Blaireau, déjà levé? Oui, Victor, me voilà là déjà levé. Et demain matin, probable que je serai levé encore de plus bonne heure. C'est tout de même pas trop tôt comme lâche. Ah, je te conseille de te plaindre. Jamais tu n'as été si heureux que pendant ces 3 mois-là. Oh, je me plains pas. Mais tu as beau dire, ça ne vaut pas la liberté. Ça dépend des goûts. Et puis, il n'aurait plus manqué que ça qu'on me fasse des misères à moi, un innocent. Oh non, Blaireau, je t'en prie, ne nous rase pas avec tes sornettes. Innocent? Je comprenais que tu dises ça en entrant, mais aujourd'hui, ça n'est plus la peine. Remarque bien, mon vieux, que je n'insiste pas. Au commencement, j'ai ragé. Oh, oui, j'ai ragé. Mais maintenant, ça m'est égal. J'en ai pris mon parti. Monsieur Bluette est un brave homme. Toi, tu es un bon garçon. Les camarades sont des chouettes types. Je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance à tous. Il y a même des moments où je ne me souviens pas si je suis innocent ou coupable. Je suis forcé de faire des efforts de mémoire. Farceur, va. Tiens, voilà le patron. Il est matinal aujourd'hui, le patron. C'est peut-être à cause de la dépêche qu'on vient de lui apporter. Bonjour Blaireau, bonjour Victor. Je crois que nous n'allons pas avoir froid aujourd'hui. Enfin, c'est la saison. Dites-moi, Victor. monsieur le directeur. Vous allez préparer la chambre bleue, la faire à fond et tout disposer pour recevoir quelqu'un. Bien, monsieur le directeur. J'attends quelqu'un. Une dame. Une cousine qui vient passer quelques jours ici, pendant que son mari fait ses 13 jours. Pauvre homme. En voilà un qui ne va pas avoir froid non plus, si on lui fait faire un peu de pas de gymnastique. Oh, le mari de cette dame n'aura pas trop à souffrir de la chaleur. Il fait son temps comme directeur adjoint dans les prisons territoriales. À l'ombre, quoi? Grand bien lui fasse. Moi, l'ombre, j'en ai assez. C'est juste, mon ami. Vous nous quittez aujourd'hui. Vous avez payé, comme disent les gens graves, votre dette à la société. Oh, ma dette? Victor, conduisez notre ami Blaireau au vestiaire et remettez-lui les vêtements qu'il portait en arrivant ici. Bien, monsieur le directeur. Après quoi, Blaireau, vous me rejoindrez dans mon cabinet où nous accomplirons les petites formalités en usage. Je vous regretterai, Blaireau. Moi aussi, monsieur le directeur. Et je garderai de vous un excellent souvenir. D'abord, vous êtes entré dans la prison de Montpaillard le même jour que moi. Vous en sortez un peu avant. Je reviendrai vous voir de temps en temps, si vous le permettez. Vous me ferez toujours plaisir. J'aime à croire que cette petite mésaventure vous aura servi de leçon et que, dorénavant, vous renoncerez tout à fait au braconnage. Oui, monsieur le directeur. Et que vous vous montrerez plus respectueux envers l'autorité. Je vous le promets, monsieur le directeur. Le fait de rosser un garde champêtre n'est pas déshonorant, mais il est excessif. Je ne le ferai plus. Qu'avez-vous, Blaireau? Vous êtes tout drôle. J'ai, monsieur le directeur, que... Zut! J'ai que... Je suis là à vous promettre de ne pas recommencer, mais je n'ai rien fait. Je ne dis pas, parbleu, que je n'ai pas braconné de temps en temps, par-ci, par-là. Mais pour ce qui est d'avoir flanqué une volée à parjus, ça non, je le jure, monsieur Bluette, pour ça. Je suis innocent comme le petit agneau qui vient de naître. Oh, je vous en prie, Blaireau, ne recommençons pas cette rengaine. Vous êtes un excellent sujet. Vous pêchez à la ligne comme pas un et vous jetez l'épervier d'une façon remarquable. Il est vraiment fâcheux que de si belles qualités soient gâtées par cette ridicule manie de jouer à l'innocent. Mais, monsieur le directeur... C'est usé, mon pauvre Blaireau, ça ne se dit plus. Écoutez, monsieur Bluette, vous avez été trop gentil pour moi. Je ne veux pas vous faire de la peine. Ça vous ferait-il plaisir que je dise que je suis coupable? Je le préférerais. Eh bien, je suis coupable. Êtes-vous content? Ce n'est pas vrai, mais je suis coupable. À la bonne heure, Blaireau. Enfin, vous voilà raisonnable. Et puis, que je sois coupable ou non, comme je sors aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a encore ce point de vue. Alors, monsieur le directeur, je vais me changer. C'est cela. Moi, je cours à la gare attendre ma parente, après quoi je vous mettrai en liberté. Vous n'êtes pas pressé. Je suis pressé, mais pas encore tant que vous, monsieur Bluette. J'attendrai bien que vous soyez revenu avec votre cousine. Qu'est-ce à dire, Blaireau? Rien, monsieur le directeur. Si c'est par le train de 8 heures qu'elle arrive, votre petite dame, vous n'avez que le temps. J'y cours. Entrez! Monsieur le procureur, je suis Jules Fléchard, et je viens me livrer. Oh, c'est vous le nommé Fléchard, Jules. Eh bien, le nommé Fléchard, Jules, a raté une belle occasion de se tenir tranquille, juste au moment des vacances. C'est cette époque-là que vous choisissez pour faire ce joli coup. Monsieur le procureur, le remords ne choisit pas son jour. Le remords? Oh, fichez-moi la paix avec votre remords. Le remords de quoi? D'avoir administré une raclée à cet idiot de garde champêtre? D'avoir laissé condamner à votre place cette fripouille de Blaireau? Y a pas de quoi fouetter une puce dans tout cela. Allons, mon ami, rentrez chez vous, et qu'il ne soit plus jamais question de cette ridicule histoire. Je vous demande bien pardon, monsieur le procureur, de ne pas être de votre avis, mais je tiens à être incarcéré au plus vite. Incarcéré? Ah non, enfermé dans une maison de fous, plutôt. Allez-vous-en, mon ami, allez-vous-en. Monsieur le procureur, je vous préviens que si vous ne voulez pas me mettre en prison, je m'adresserai à une juridiction supérieure. On vous enverra promener. Je ne me laisserai pas rebuter et j'irai, s'il le faut, jusqu'au garde des Sceaux. Écoutez, Fléchard, voulez-vous être raisonnable et remettre cette affaire-là plus tard, après les vacances? Je veux coucher en prison ce soir même. Ah, je commence à croire que j'ai devant moi un dangereux monomane. Gare la douche. Merci bien, j'en ai pris une ce matin. Pas assez forte, sans doute. Allez-vous-en. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mon vieux loup chéri. Je suis bien contente de te revoir, tu sais. Bien contente. Et moi donc? C'est loin, ta boîte? Un quart d'heure à peine. Allons à pied, ça me dégourdira mes pauvres petites jambettes. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, Alice, de te recommander au moins dans la rue... Une tenue décente. Tiens, regarde si on ne dirait pas une vieille anglaise. Oh, Alice, les passants se retournent. Et alors? Heureusement, nous sommes arrivés. Je t'ai fait préparer la chambre bleue. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté L'affaire Blaireau, pièce audiophonique adaptée du roman d'Alphonse Allais. Les interprètes: Aldor dans le rôle de Jules Fléchard, Alcadi dans le rôle de l'anglais numéro 1, André de Gouffroy dans le rôle de Monsieur Devoix, Bruissement dans le rôle de la jeune fille, Carole dans le rôle de Delphine de Cerquigny alias Alice, Christian Martin dans le rôle de Blaireau, du commis greffier et de l'homme 2, Christophe dans le rôle de Monsieur Bluette, Christophe Hubert dans le rôle de Hubert de Chaville, Claude Couveau-Farqui dans le rôle de Madame de Chaville, David Lawrence dans le rôle de l'anglais numéro 2, Ezwa dans le rôle d'Arabella de Chaville, Fred dans le rôle de Parju, Kael dans le rôle de Placide, K00 dans le rôle d'Augustine, Mario Fecto dans le rôle de l'homme 1, Nadine dans le rôle de Lucie, Pierre dans le rôle de Victor, Quentin Fouville dans le rôle de Maître Guilloche, René Depasse dans le rôle du procureur, Sergio Baldelli dans le rôle de Le Rechigneux, Silverson dans le rôle de Dubenoît, Stanley dans le rôle du baron de Haut-Pertuis et Sylvie dans le rôle de la dame. Cet enregistrement est distribué sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt. Last evening with some music for his daughter Jane. When she started in the playing, gosh a ding it, Farmer Brown thought surely that he'd go insane. The tune she played, well, it started him a dancing. He danced until he fell exhausted by her side. When he came to, he cried, oh darling daughter, tell me what you're playing. And then to him she replied, it's called the Reuben Rag. Oh my loving pa, Reuben Rag. Oh my darling, my Farmer Brown said, daughter dear, I could dance to that ever-loving strain all the year. Don't stop dear, I'll bring my fiddle here and gosh, I'll help you drag. Here we are, let her go. Gosh, you sing it, play it slow. It's not the beginning of the Reuben. Reuben, I've been thinking, start the beginning of the Reuben. Oh, you hasty, all that ever-loving Reuben rag. Reuben rag. Oh, my loving pa, Reuben rag. Oh, my darling, my Farmer Brown said, Saturday, I could dance to that.